tout ça, je pleure en pensant à toi. Et malgré tout ça, je continue les insomnies. Toi, tu t'en fous, tu dors toujours avec lui. Tu as oublié que j'existe. Je n'existe plus pour toi, mais je t'aimerai malgré ça. Tu as oublié que j'existe. Du matin, je chante pour toi. C'est la preuve que je n'aime que toi. Je n'ai même plus besoin d'écrire de paroles. Mes chansons n'ont plus de refrains. La joie des refrains ne fait plus partie de ma vie, ni de mon cœur, ni de mes nuits. Mais toi, tu ne m'entends pas. Et moi je chante. Pourquoi? Je suis seul et barbu. Pendant que tu couches avec un moustachu. Un moustachu. Oh, pourquoi un moustachu? Un moustachu, pourquoi?